Est-ce qu'elle a fait exprès ou non? Oui, je crains que ça ne soit pas mon thème de ce soir. Mais j'aime en débattre avec vous de bon matin. C'est très bien. Voilà, ça sera le débat du matin. Vous proposerez des débats régulièrement. Vous prenez ou pas. Bonne matinée à tous. Faites-nous une belle émission, on vous écoute. Allez, c'est parti, en direct, comme tous les vendredis et comme chaque jour. Nous allons maintenant vous aider à régler vos problèmes et nous allons démarrer tout de suite par une injustice. Dans une seconde, Manuel sera sur l'antenne avec nous. Manuel, 86 ans, sous dialyse, 3 jours par semaine. Figurez-vous qu'on lui aurait coupé l'électricité et le gaz. C'est une catastrophe pour lui, il ne sait pas ce qui se passe et nous allons devoir intervenir en urgence. Plein d'autres cas, la Dream Team sera avec nous puisqu'il y a Maître Novakovic, l'avocate pénaliste, spécialiste du divorce et de tout finalement. Et là, bonjour Sylvie. Bien, bonjour à tous. Pour finir la semaine, la Divina est en pleine forme. Maître Felono. Bonjour à tous. Et à la négociation, le grand Hervé Pouchol est parmi vous. Bonjour Julien, bonjour vous à tous. Sur RTL, la première radio de France. Bref, 3210, vous nous appelez en direct, vous passez sur l'antenne ou bien Facebook, la page, ça peut vous arriver. Est-ce qu'on a des nouvelles de Manuel? Manuel qui est en pleine dialyse. Alors peut-être que je vais commencer sans lui. Je ne sais pas s'il nous capte à l'hôpital. Eh ben justement, Julien, ça capte mal. Il est en ligne, mais je ne sais pas s'il nous entend. Manuel, m'entendez-vous? Allô, allô? Ah, ça passe mal, c'est dommage. Alors Manuel, il ne faut pas lui en vouloir. Oui, Alain Hazard. On va sécuriser son appel et on va peut-être démarrer tout de suite, Julien, par le deuxième cas, Catherine, dans ces cas-là. Alors on va faire ça pour vous faire plaisir, mais comment appelez-vous sécuriser son appel? C'est-à-dire que si ça ne capte pas, comment allez-vous faire en le sécurisant pour que ça capte? Parce que ça, c'est une notion qui m'intéresse. On va essayer, comme il a un portable, on va essayer d'avoir un fixe avec lui quand on pourra l'entendre et avoir enfin Manuel sur un fixe. Peut-on me passer ma flûte, s'il vous plaît? Celle que je vous ai achetée, d'ailleurs. Oui, un petit air de pipeau signé Alain Hazard. Donc, de toute façon, on va le faire, ce cas. On va pas le laisser, ce monsieur, mais encore une fois, il est sous dialyse, il a son portable, il nous entend là-bas, nous, on n'en arrive pas à l'avoir, mais nous allons avancer. Donc, en attendant, c'est les aléas du direct. Catherine est-elle en ligne pour nous sauver la mise et attaquer le deuxième cas qui aurait, de toute façon, été là sur l'antenne d'RTL? Bonjour, Catherine. Bonjour. Voilà ce que Catherine nous a dit sur l'antenne d'RTL. J'ai fait appel à une société pour faire installer un ascenseur pour ma mère. Je verse un acompte de 5 000 €. L'entreprise se trompe dans les mesures, puis annule tout. Et maintenant, cette société m'annonce qu'elle a des problèmes de trésorerie et qu'il me faut patienter pour être remboursée. Si j'ai bien compris, donc Catherine, quelqu'un est venu prendre les mesures de l'ascenseur. Oui. Mais il s'est trompé. Oui. Donc il ne peut plus faire l'ascenseur. Il a aucun modèle de l'ascenseur qui peut convenir par rapport à notre ouverture de perron qui a été faite. Oui. D'accord, donc vous avez payé 5 000 €, et là, quelle est la solution qu'il vous propose? Aucune, a annulé la commande, il a dit qu'il n'avait aucune solution. Donc je résume, madame, je vais vous mettre un ascenseur, ok, payez-moi 5 000, elle donne 5 000, il mesure, madame, je me suis trompé dans les mesures, je ne peux pas vous mettre l'ascenseur. Bon, ben très bien, qu'est-ce qu'on fait? Rien, au revoir madame, je vais voir quelqu'un d'autre. Hein, c'est ça l'histoire, Catherine. Elle est belle, cette histoire, Sylvie. Oui, elle est non seulement cette histoire, elle est belle, mais elle est vraiment honteuse, parce qu'en fait, elle a signé la Versana Compte en juin, ils se sont engagés pour créer un ascenseur, et ils lui ont demandé de faire des travaux par une entreprise. En plus. Oui, qui lui ont coûté 2 000 €, et après ces travaux, il dit non, finalement ça ne va pas, ça ne convient pas, on ne peut pas installer l'ascenseur, c'est fini, parce que dans ces conditions, on arrête le marché et on vous remboursera quand on pourra. Julien, c'est vaudevillesque, c'est incroyable, c'est insupportable. Il y a des fois, Catherine, où on espère que les auditeurs nous mentent, je vous assure, qui se trompent, parce que c'est juste pas possible ce que vous êtes en train de m'expliquer. Donc nous allons appeler ce monsieur dans une seconde, nous allons lui demander de s'expliquer. Peut-être avez-vous mal compris, mais j'ose à peine croire qu'il vous a commencé à vous faire des travaux, qui s'est trompé dans les mesures et qui dit maintenant que je me suis trompé dans les mesures, je garde l'argent et je ne fais rien. Mais c'est marqué dans les mails, Julien. On a effectivement... Les mails. On dit toujours que la plume est servie et la parole est libre, mais grâce à cette plume, donc à ce mail, nous pouvons effectivement vérifier la véracité des propos de Catherine. Elle a rectifié, elle a dit mail la deuxième fois, la première fois c'était un mail. Envoie-moi un mail pour me confirmer ça. Vous ne donnez pas... On dit un mail. Bah, email. Ah oui, mais vous avez dit un mail. Oui, bah ça va, c'est on pas dit grave. Courriel. Exactement, au sol de soleil. Dans une seconde, mesdames et messieurs, nous allons appeler cette société pour qu'elle nous donne une explication. Ah, ça risque d'être tendu, mais vous le savez, c'est souvent comme ça. Le but du jeu, c'est d'obtenir un résultat. Vous êtes sur le 9h30, 11h RTL. L'appel après ceci. Votre saison pro recommence ? C'est le moment de recruter un nouveau coéquipier. Nissan, premier supporter de votre entreprise, vous propose la gamme de véhicules utilitaires la plus large du marché pour répondre à tous vos besoins, quelle que soit votre activité. Et avec 5 ans de garantie constructeur sur l'ensemble de nos utilitaires, gagnez aussi sur le terrain de la tranquillité. Rendez-vous dès maintenant chez votre concessionnaire Nissan, partenaire officiel de l'UEFA Champions League. Garantie en France 5 ans, 160 000 km, sauf INV200. Modalité sur Nissan.fr. Nissan, innover autrement. Maman, j'ai une amie dont la mère commence à avoir des soucis de santé. Elle perd son autonomie, et financièrement, c'est pas simple. Moi, je sais pas comment je ferai. Où veux-tu en venir ? Nulle part. Mais moi, ça peut pas m'arriver. T'inquiète pas, ma chérie. J'ai souscrit une garantie dépendance chez Harmonie Mutuelle. Oh, tu penses à tout, maman. Chez Harmonie Mutuelle, notre garantie dépendance vous permet de ne pas être financièrement à la charge de vos proches en cas de perte d'autonomie. Harmonie Mutuelle, première mutuelle santé de France. Au salon du véhicule des loisirs. Depuis qu'on a notre camping-car, ça a changé notre vie. Ah bon, à ce point ? Bah oui, maintenant pour nos loisirs, on part quand on veut, où on veut, toute l'année. Bah, rien ne vaut la liberté, non ? Bah nous aussi, ça fait longtemps qu'on y pense, hein. Je crois que je vais bientôt craquer. Alors va absolument au salon international des camping-cars, caravanes et mobil-homes de Paris-le-Bourget. Mais c'est déjà prévu, c'est là qu'il y a le meilleur choix. Du 24 septembre au 2 octobre, découvrez le plus grand choix en France de camping-cars, caravanes et mobil-homes au salon des véhicules de loisirs de Paris-le-Bourget. Vous n'avez jamais eu envie de changer de perspective, de bouger les lignes, de faire des vagues ? Avouez. Eh bien, chez Saint-Maclou, pendant l'opération Osez les motifs, vous allez pouvoir le faire. Découvrez un choix incroyable de motifs sur les vinyles, tapis, moquettes, tissus, papier peint. En plus, en ce moment, profitez de 15 euros offerts tous les 100 euros d'achat sur des milliers de produits. 15 euros de remise immédiate tous les 100 euros d'achat. Un motif de plus pour venir chez Saint-Maclou. Offre valable du 15 au 19 septembre, voire conditions dans votre magasin Saint-Maclou. Depuis des mois, vous attendez cette série. Elle vous obsède. Vous donneriez tout pour la voir. Alors ce week-end, ne les ratez pas. Les séries limitées MyCanal sont au programme des portes ouvertes Seat. Seat Ibiza et Seat Leon MyCanal. Des Seat suréquipés avec GPS et caméra de recul à partir de 159 euros par mois. Pour une Seat Ibiza MyCanal, location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum. Premier loyer de 1500 euros, suivi de 36 loyers de 159 euros sur réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Offre valable jusqu'au 30 septembre. Ouverture selon autorisation. Conditions sur seat.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Catherine, nous lançons l'appel. C'est parti. On y va. Voyons ce que cette société va nous dire. Elle qui aurait dit « Je me suis trompé dans les mesures de votre ascenseur, je ne le fais plus et ne rendrai pas les 5000 ». Alors qu'elle a dépensé 2000 en plus pour faire des travaux que lui avait demandé cette entreprise. J'espère que ça va répondre. Ça sera notre fil rouge tout au long de l'émission. On n'a qu'un seul numéro. Non, on en a deux. Ça, c'est un numéro de fixe que nous venons de faire. Donc, s'il vous plaît, Marie, nous passons maintenant au numéro de portable pour avoir un interlocuteur. Et heureusement, quelque part, que ce monsieur s'est rétracté parce qu'il en avait pour 12 000 euros au bout du compte. Et vu comme il mène les travaux, je ne sais pas si c'était bien d'aller jusqu'au bout. Est-ce que le deuxième a été lancé ? Yes, me dit-elle, car elle est bilingue. Ah, on est d'équipe moderne, hein. On est sur une autre ligne. Bonjour, oui. Je ne suis pas disponible actuellement. D'accord, il n'est pas disponible actuellement. Donc là, ça sonne de tous les côtés. Malheureusement, personne ne répond. On va se donner une dizaine de minutes, Catherine. Oui. Ah, on a eu un message déjà, hein, de portable, bonjour, je crois. Bonjour, je ne suis pas disponible actuellement. Voilà, on l'a eu il y a quelques instants. Merci déjà. De donc Catherine, vous êtes en fil rouge, vous entendrez la petite alerte, auditeur. C'est comme ça que ça se passe le matin. Dès que quelqu'un va répondre, ne vous inquiétez pas. Maître Novakovic. Alors, pour être parfaitement juste, je vais quand même vous préciser qu'à un moment donné, donc, ce vendeur d'ascenseur a indiqué à notre auditrice que le maçon n'aurait pas suivi à la lettre ses prescriptions. Et ce serait peut-être l'argument qui va nous être donné, mais enfin, c'est un mauvais argument. Parce que dans ces cas-là, effectivement, il se met directement en liaison avec lui et puis il voit les problèmes. Non, puis dans ces cas-là, on refait la maçonnerie. J'ai vu un petit peu les photos, on va vous les mettre on sur Facebook. Pas. On casse le petit muret, on en refait un autre. C'est ça, on n'abandonne pas. Alors, Catherine, les maçons étaient prêts à rectifier. Il faut être très objectif et très clair. Est-ce qu'il reproche aujourd'hui aux maçons de mal avoir fait les choses ? Ah, bah, c'est sûr qu'actuellement, il reproche aux maçons de ne pas avoir. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Je suis bien chez Axel Solutions. Axel Solutions. Oui, bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil. Est-ce que monsieur Vandelay est là, s'il vous plaît ? Non. Alors, est-ce que vous pouvez me passer quelqu'un ? Je suis sur l'antenne d'RTL en direct au moment où je suis en train de vous parler concernant l'ascenseur de Catherine Debert. Vous voyez de qui il s'agit ? Oui. Voilà, donc apparemment, madame nous donne une version et nous on voulait avoir une autre version, la vôtre. Elle nous dit qu'elle a payé 5000 euros et qu'apparemment il y a eu des problèmes de mesure, qu'aujourd'hui il n'y a plus d'ascenseur et qu'on ne voudrait pas lui rendre les 5000. Donc c'est un peu un raccourci, mais s'il y avait quelqu'un chez là-bas qui pouvait nous parler, ça serait bien. Là, il n'y a personne. Je suis un peu au courant, mais pas de tout. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez joindre, vous, quelqu'un peut-être avec votre portable ? Alors, Monsieur Vendelet est en déplacement. Ouais, c'est d'où l'intérêt d'avoir un portable, sinon le fil serait trop court pour le joindre. Mais si vous pouvez lui envoyer un petit texto. Bien sûr. Alors voilà, on va vous donner un numéro, si vous pouvez l'appeler comme on est sur RTL ce matin, ça serait fantastique qu'il nous parle. Il n'y a rien de grave, hein, on essaie juste de discuter, de comprendre et de trouver sûr. Une solution. Bien sûr. Bon, donc vous en savez pas plus de toute façon sur le dossier non. de Catherine. D'accord, alors non. on fait ça. Hervé, vous donnez le numéro du studio, comme ça ce monsieur peut nous rappeler dès que cette dame lui aura envoyé gentiment un texto. Ça marche. Merci beaucoup madame de votre gentillesse, je vous souhaite une belle journée, peut-être à tout à l'heure. Et on en profite, on va doubler par un petit appel au porte-voix. Monsieur Éric Vendelet, président de la société Axel Solutions. Merci de nous rappeler dans le studio RTL afin que l'on comprenne le cas de Catherine Debaer. Vous vouliez rajouter quelque chose, Maître Novakovic ? Je vous vois trépigner. Vous lisez vraiment dans mes yeux, c'est très bien. Ah, je ne lis pas que dans vos yeux. Alors, effectivement, donc je continue ce que je disais tout à l'heure, c'est que il reproche donc aux maçons de ne pas avoir respecté les normes qu'ils sollicitaient. Mais sauf que notre auditrice lui a répondu, mais attendez. Dans ce que vous sollicitez, c'est carrément une démolition totale de mes locaux. Donc c'est pas possible, c'était pas convenu à la base. Mais qui a choisi le maçon ? Catherine. C'est moi, puisque à la base, pour accueillir cet ascenseur, il a fallu bétonner une cour et ouvrir le muret. Mais avec des plans d'Axel Solutions. Avec des plans d'Axel Solutions, et le maçon m'a dit avoir confirmé les cotes par un coup de téléphone auprès de Monsieur Vendelet pour justement appliquer ces cotes. Alors maintenant, qui a raison, qui a tort, je n'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Monsieur Vendelet, pour résoudre tout ce problème, m'a annoncé en dernier lieu d'abattre carrément tout le mur et une partie de la rambarde de... Est-ce qu'il y a eu une réunion, pardon de vous couper, mais est-ce qu'il y a eu une réunion avec Monsieur Vendelet et avec le maçon ? Pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'ils se sont vus sur le chantier ? Alors, ils ne se sont pas vus sur le chantier parce que le chantier devait avoir lieu pendant les vacances de M. Vendelet et surtout avant la réception de l'ascenseur. Donc ça se passait au mois de juillet. Non mais j'ai compris, mais maintenant qu'il y a un problème, est-ce qu'il est venu, M. Vendelet, en disant « faites venir votre maçon, on va regarder le chantier ensemble et voir les solutions qu'on peut trouver voilà. ». Ben, c'est comme ça qu'il faut commencer comme ça. Oui. Et il va peut-être prouver au maçon par A plus B que le maçon s'est trompé ou le maçon va prouver à M. Vendelet par A plus B qu'il a respecté la côte. Exactement. Oui, Catherine, c'est ça qu'on va essayer d'obtenir. Bon, restez près du téléphone. Dans quelques instants, Monsieur Vendelet arrivera, il y aura la petite alerte. J'ai toujours mon ami de 86 ans que je tiens absolument à aider, dialysé, à qui on a coupé l'électricité, on lui a tout coupé, on essaie de lui trouver une salle à l'hôpital, puisqu'il est sous dialyse, pour pouvoir nous parler. Ah, apparemment, il y aura une alerte. Que se passe-t-il, Marie ? Et j'ai Manuel qui est en fin de retour, apparemment, ça capte alors, un petit peu mieux. Alors, on va le prendre dans quelques instants, Manuel, si vous le voulez bien, et on va redémarrer ce cas-là, parce que c'est un cas d'urgence sans électricité. On peut pas couper comme ça l'électricité aux gens sans raison, mais il faut qu'on en sache un petit peu plus. C'est pour ça qu'une enquête va démarrer dans une seconde sur RTL. C'est vendredi aujourd'hui. Et le vendredi, plus que jamais, nous sommes motivés pour vous aider. Vous avez choisi le 9h30-11h RTL, l'émission la plus écoutée de France à cette heure-ci. Le 32-10 est à votre disposition. Le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Vous aider, c'est notre métier. Mais en gardant le sourire et en écoutant ce qui se fait de mieux en musique. Et aujourd'hui, le cadeau du jour s'appelle U2, New Year's Day. Change.

Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Alors, en ce qui concerne l'hôpital, je vais vous expliquer car on ne vous cache rien ce qui se passe. En fait, ce cas nous a été envoyé par son médecin traitant qui nous a appelé en nous disant « Il faut aider ce monsieur, c'est un de mes patients, il n'a plus d'électricité, il n'a plus de gaz, il est sous dialyse, c'est une catastrophe. » Donc nous, évidemment, on a pris ce cas parce qu'il était urgent. Et là, ce monsieur est en dialyse, donc ça doit être un autre service médical qui s'occupe de lui. Et là, il y a un médecin, et je peux comprendre, hein, pourquoi pas, sur place, à l'hôpital, qui dit « Non, il est hors de question que ce monsieur parle à la radio. » C'est et en bien plus, ça il est au courant du problème, Julien, voilà. Mais il dit c'est pas ici qu'on va le régler, et d'accord. Pas tout de suite. Il est entouré d'autres patients, il est hors de question qu'on vous le passe. Bon, j'adore. Alors le problème, c'est qu'on peut pas nous faire l'émission l'après-midi. On l'a fait que pendant 16 heures à lui, c'est un peu. Donc on va rappeler le premier médecin pour lui expliquer qu'il va falloir trouver une solution. Mais lui, il est d'accord pour passer, hein, l'auditeur. On l'a même eu ce matin. Oui. Il est tout content, mais il a un autre médecin qui lui dit il faut pas, tant pis, s'il a pas d'électricité d'eau chez lui. Alors ce médecin doit résoudre son problème, alors. Oui, hein. C'est ça, parce qu'à un moment donné. On va rappeler le premier médecin pour le prévenir. Je suis vraiment navré, c'est du direct, on vous cache rien. Mais on va continuer d'avancer. Je pense qu'on va quand même avoir quelqu'un d'ici 11h. On va essayer de convaincre le deuxième médecin. Il est d'accord, le patient. Enfin, c'est pas nous qui avons été le chercher. Le pauvre, il a pas d'électricité. Il a pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il n'a pas De gaz. De gaz, hein, c'est une catastrophe. Il n'a que l'eau. Ça fait rendez peu compte. Quand donc, même. C'est pour ça que son médecin, pour qu'un médecin prenne son téléphone et nous appelle en nous disant j'ai une situation d'urgence, c'est que vous doutez bien qu'elle l'est. Et là, il y en a un deuxième qui bloque. Bon, à l'hasard, rédacteur en chef, avec qui parliez-vous? Avec le médecin de ce centre qui me dit effectivement que dans cette pièce, il y a d'autres malades. Ah, il veut pas qu'il parle. Ce qu'il compte avant tout, c'est la sécurité des patients. Et qu'il ne peut pas malheureusement nous passer Manuel. Mais est-ce que Manuel peut se déplacer, a la possibilité de se déplacer priori, avec son portable? Non, il ne peut pas se déplacer. Donc je vous propose effectivement d'appeler son docteur, puisqu'on a son numéro de téléphone. Non, mais alors, attendez, on va peut-être essayer déjà d'appeler le centre qui lui a coupé pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Je comprends aussi que s'il y a d'autres malades à côté, mais le problème, ça va être les horaires. C'est que nous sommes une émission de radio. Nous ne réglons pas des cas en dehors d'une émission de radio. D'ailleurs, nous n'aurions pas le droit. Ça serait un boulot d'avocat. Là, on est une émission de radio. On doit régler les problèmes qu'entre 9h30 et 11h. Alors, peu de gens le comprennent ça, mais sinon, encore une fois, ça serait un autre métier et ça nous serait reproché à juste titre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez quoi? On appelle, donc, s'il vous plaît, on reste sur le cas de Manuel et on appelle le Centre Communal d'Action Sociale qui s'occupe de lui. Maître Fellono, car c'est, je crois, votre cas. Expliquez-nous. Exactement. Alors, c'est notre cas de tout le monde, en fait. Hein, tout le monde est mobilisé sur ce dossier. On n'a aucun renseignement, Julien, étant donné qu'on ne connaît même pas le nom du fournisseur d'électricité ni du fournisseur de gaz. On en connaît deux, donc on va taper, mais sans numéro de facture, sans numéro de client, ce sera difficile. Ce centre-là a peut-être tous les renseignements pour nous permettre de continuer notre investigation et notre médiation avec les gens qui lui ont coupé un service qui était rendu. Alors, Manuel est un personnage extraordinaire. Voici le message qu'il nous a laissé sur l'antenne d'RTL. C'est un appel d'urgence. Je suis sous dialyse 3 jours par semaine et depuis le 12 août, on m'a coupé l'électricité et le gaz. De plus, je ne reçois plus mes repas journaliers. Voilà, vous vous rendez compte, ouais. Là, la coupe est pleine. Hein. Alors oui, c'est scandaleux parce que on sait très bien d'ailleurs que on n'aurait pas dû lui couper l'électricité ni le gaz parce qu'il y a une loi à respecter, la loi du 13 août 2008, qui effectivement enserre et protège le consommateur. Donc même s'il s'agit d'une personne âgée, dans tous les cas, tout consommateur est protégé. Alors Marie, qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai appelé sur le téléphone portable donc de Manuel. Je tombe sur une dame qui a répondu, qui fait partie de l'hôpital et qui m'explique mais ne faites rien, vous allez, ça va être pire que mieux. On est au courant de la situation de Manuel. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Donc voilà. Bon, alors on va quand même rappeler le premier médecin pour qu'il intervienne aussi et qu'il nous aide là-dessus. Oui, Alain Hazard. Oui, justement, j'ai eu l'accord du premier médecin, celui qui s'occupe effectivement de Manuel. On va l'avoir. Absolument, on va l'avoir dans quelques secondes. Ah, il est super. Voilà. Comme ça, lui va pouvoir nous aider parce qu'ils sont bien gentils à l'hôpital. Moi, je veux bien ne pas m'en occuper. Vous savez, j'ai 2000 cas en attente. Donc, s'ils veulent s'occuper de lui, qu'ils le fassent. Mais dire, ça sert à rien, il vaut mieux le laisser. Ah, j'ai eu un petit écho là qui m'est arrivé tout d'un coup. Je sais pas ce qui s'est passé. C'était une alerte, en fait. Bon, on s'en occupe de toute façon. Que se passe-t-il, Hervé Pouchol? Le Money Time, habituellement, c'est à 11h20. J'ai l'impression qu'on va le démarrer à 9h56. Nous revenons sur le cas de Catherine et son problème d'ascenseur. J'ai Éric Vendelet, qui est le président, qui est en ligne. Monsieur le Président, soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL. Bonjour. Monsieur, nous sommes là simplement pour essayer de comprendre une situation. Rien de grave. C'est le cas de Catherine, qui semble me dire que bon, il y a eu un problème de mesure, de maçonnerie, etc. Mais que vous étiez tombé d'accord pour un remboursement de la compte de 5000 euros. Est-ce qu'elle se trompe en me disant ça ou est-ce la vérité? Absolument pas. Bon, alors je crois qu'elle a besoin de cet argent parce que malheureusement, elle a engagé elle-même 2000 euros de travaux de maçonnerie. Oui. Et elle aimerait bien que ça arrive. Et, il y avait un échéancier, J'avais dit à Madame Ménard, de mémoire, là je suis en clientèle, oui. J'avais dit un échéancier sur septembre-octobre, dans la mesure où nous payons toujours nos fournisseurs 100% cash. D'accord. Comme donc j'ai payé 100% cash et que Madame Ménard a payé 50%, ça nous a mis pendant un petit moment dans une situation de trésorerie un petit peu. Alors, quand est-ce que vous allez pouvoir la rembourser, monsieur ? Bah, écoutez, la semaine prochaine, au moins 2005, ouais. voire 5000. Est-ce que ça vous va, Catherine ? Semaine prochaine 2005, et si c'est semaine prochaine 2005, les 2500 autres, ça sera quand ? Bah, au plus tard, celle d'après. Celle d'après, en deux semaines, et... Catherine, ça vous convient ? Catherine est-elle en ligne ? Oui, je suis en ligne, j'ai pas trop de choix. Non, Catherine, vous avez le choix, je vous demande oui. Si ça vous convient. 2500 la semaine prochaine, 2500 la semaine d'après. Ce qui me dérange, c'est que je lui avais demandé de faire un effort financier et de rembourser. Bon, alors ça ne vous convient pas, Catherine. Catherine, il ne faut pas faire de longues phrases, je vous assure. Dites-moi, ça me convient ou ça ne me convient pas ? J'aimerais que maintenant il rembourse la somme. Parce qu'il d'accord, a pas ok, donc ça ne lui convient pas. Écoutez, on revient dans une seconde vers vous, monsieur. Laissez-moi juste une petite seconde et je reviens vers vous. Bon. Alors, tu veux quoi comme cadeau ? Je sais pas. Soit un ordinateur, ou une tablette, ou sinon un smartphone. J'hésite. Qu'est-ce que ça va être quand on va changer de voiture ? Un Nissan Qashqai. Certains choix s'imposent d'eux-mêmes. Pendant les journées technologie Nissan, Nissan Qashqai est à partir de 249€ par mois avec 4 ans d'entretien inclus. Pour Nissan Qashqai Vizia DEGT 115 et l'LD 49 mois avec 2000€ d'apport jusqu'au 30 septembre si Accordiac. Entretien hors pièces d'usure et pneus, portes ouvertes du 16 au 18 septembre. Nissan, innover autrement. On a 3 enfants. Et 5 petits-enfants. Mais comme on ne sera pas toujours là... On a vu notre notaire pour les mettre à l'abri du besoin. Et en pensant à leur avenir... On s'est mis à penser à celui des autres. Alors, pour léguer à tous un monde meilleur... On a décidé de faire un leg à la Fondation de France. En faisant un leg à la Fondation de France, vous faites vivre vos engagements en ayant l'assurance que vos volontés seront durablement respectées. Renseignez-vous sur fondationdefrance.org. Fondation de France, la fondation de toutes les causes. La Redoute Intérieure présente... Pour vous, les rabat-joie. Pour vous qui avez dit à vos enfants tout l'été... Dites-donc, c'est pas le moment, on verra la rentrée. C'est la rentrée. Pour vous et pour tous les autres. La Redoute Intérieure vous offre 40€ tous les 100€ d'achat et la livraison et les retours sont toujours gratuits. Jusqu'au 19 septembre, profitez d'une réduction immédiate de 40€ tous les 100€ d'achat sur plus de 1000 produits meubles et déco. Voir conditions sur laredoute.fr. Bouge de tous côtés. Nous allons revenir sur l'ascenseur dans une seconde. Je demande à ce monsieur de patienter. Nous aurons le médecin de traitant de notre ami Manuel. Tout ça juste après les infos. Quel vendredi ? Il est 10h. Je pense que c'est Marie Guerrier. Je suis très heureux que ce soit le cas qui va présenter ce flash. Bonjour Marie. C'est bien ça. Bonjour Julien. Bonjour à tous. De la pluie pour tout le monde aujourd'hui. À un moment ou un autre de la journée, une perturbation est arrivée par l'ouest et elle progresse vers l'intérieur du pays. Il pleut aussi dans l'est et près de la Méditerranée, ça prend la forme d'orages, surtout dans le Languedoc. Ils éclatent déjà ce matin. Ils peuvent être violents. Deux départements sont placés en vigilance orange, le Gard et l'Hérault, à cause du risque d'inondation. Côté température, sous les averses, ça chute. On sera même parfois en dessous des normales de saison. 17 degrés prévus au Havre, 18 à Brest, 20 à Orléans, à Bordeaux, à Toulouse, 21 degrés cet après-midi à Paris comme à Strasbourg et Lyon, 24 à Marseille et Nice et jusqu'à 25 à Montpellier et Perpignan. La page est tournée à Cisco, c'est ce que dit ce matin le maire de cette commune de Haute-Corse. Cette nuit, le jugement est tombé. Des peines allant de 6 mois de prison avec sursis jusqu'à 2 ans de prison ferme ont été prononcées. C'était le procès de 5 hommes impliqués dans la violente bagarre du 13 août sur la plage de Cisco entre une famille d'origine marocaine et des habitants du village. Le maire ajoute, la lumière est faite, c'était une rixe point à la ligne. On n'a pas parlé de burkini, on n'a pas parlé de racisme. Les débats étaient dignes, dit-il. Un campement d'au moins 1500 migrants a été évacué aux premières heures de la journée dans le nord de Paris, entre les stations de métro Jaurès et Stalingrad. Il y avait des Soudanais, des Afghans, des Érythréens, beaucoup de familles avec des enfants installés sous des tentes ou sur des matelas en plein air dans des conditions sanitaires et humaines très dégradées. La ministre du Logement, Emmanuelle Cosse, s'est rendue sur place et le préfet à ses côtés a expliqué que les migrants sont conduits dans des centres d'hébergement. Ils seront aidés s'ils souhaitent rester en France. Au lendemain des manifestations contre la loi travail, le bilan en chiffres, 62 personnes interpellées à travers toute la France, 32 d'entre elles sont en garde à vue, 15 policiers et gendarmes blessés à Paris en province, dont deux grièvement. Ils ont été hospitalisés à cause de brûlures provoquées par un cocktail Molotov lancé place de la République à Paris. Il y a eu des incidents dans la capitale, mais aussi à Nantes, à Rennes, à Rouen, à Grenoble, à Toulouse et Montpellier. La Slovaquie accueille aujourd'hui à Bratislava les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays de l'Union européenne, un sommet sans le Royaume-Uni désormais. Le président slovaque qui va donc ouvrir ce sommet déclare ce matin « Il faudra que les dirigeants européens aient une discussion honnête sur leur vision de l'Europe post-Brexit. Il faudra montrer de l'unité », dit-il. L'équipe de France paralympique a gagné 7 médailles supplémentaires aux Jeux de Rio cette nuit. En tennis en fauteuil, la paire composée de Nicolas Pfeffer et Stéphane Houdet a remporté l'or. En épée, Robert Citerne, Yannick Ifebe et Romain Noble sont également montés sur la plus haute marche du podium, une médaille d'or par équipe. En athlétisme, Pierre Ferbank obtient l'argent aux 800 mètres en fauteuil et la déjà multimédaillée Marie-Amélie Le Fur empoche le bronze sur 200 mètres. La nageuse et Elodie Laurendi apporte sa contribution à la collection de médailles de bronze françaises sur 400 mètres nage libre. Et puis le cycliste Joël Jeannot a terminé troisième de la course en ligne handbike. Du tennis au programme du jour, la demi-finale Croatie-France. Richard Gasquet joue le premier simple à partir de 14h. Lucas Pouille jouera ensuite le deuxième match en simple. Nous suivrons bien sûr ces rencontres cet après-midi en direct depuis la Croatie avec Isabelle Langer, l'envoyée spéciale d'RTL. La Bourse de Paris a ouvert en baisse, moins 0,30% et cette tendance persiste à l'heure qu'il est. Le CAC 40 tourne autour de 4356 points. Les courses en nocturne à Vincennes, les pronostics de Bernard Glass pour le Quintet. Il vous conseille de jouer le 12, le 14, le 17, le 18, le 13, le 15, le 8 et le 6. La dernière minute de Bernard, c'est le 17, Ulysse de Fontaine. Il est 10h04, vous êtes sur RTL avec bien sûr Julien Courbet. À tout à l'heure, 11h Marie. Nous reprenons le direct bien évidemment. Et c'est un vendredi de fou avec une première demi-heure où on est parti dans tous les sens. Mais là, nous allons nous poser une seconde sur l'histoire de l'ascenseur. Rappelons ce que nous a dit l'auditrice quand elle est passée tout à l'heure à 9h35. J'ai fait appel à une société pour faire installer un ascenseur pour ma mère. Je verse un acompte de 5000 euros, l'entreprise se trompe dans les mesures, puis annule tout, et maintenant cette société m'annonce qu'elle a des problèmes de trésorerie et qu'il me faut patienter pour être remboursé. Nous avons appelé la société, très rapidement le message est passé au président qui encore plus rapidement nous a rappelé car il n'a rien à cacher, on est en totale transparence, ce sont des gens sérieux. Monsieur Vandelet, donc est-ce que vous me confirmez qu'il y a eu un problème de maçonnerie? Allô, monsieur Vandelet? Ah, on n'a pas appuyé sur le bon bouton, c'est parti. Monsieur Vandelet? Ah, là, on appelle quelqu'un, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, je dois vous dire qu'à l'heure des charges, il y a quand même 56 lignes en même temps, et on ne sait plus où on en est. Donc, il y a un monsieur Vandelet quelque part, il a raccroché. Ah, on relance l'appel. Alors, il y a eu une petite négo. Donc, je rappelle qu'il y a eu 5000 euros d'acompte de Catherine, donc elle veut le remboursement de ces 5000 euros d'acompte, mais que pour faire l'ascenseur, la société de monsieur Vandelet lui avait dit qu'il faut faire de la maçonnerie. Et elle avait payé 2000 euros. Il est là, monsieur Vandelet. Monsieur Vandelet, vous m'entendez? Oui, je l'entends. Donc, on est bien d'accord qu'il y avait eu des travaux de maçonnerie et qui ne correspondait pas, en tout cas, qui faisait qu'on ne pouvait pas mettre l'ascenseur. Oui, oui, on est d'accord, mais bon, on ne va pas débattre là-dessus. Ah, d'accord. J'ai dit OK pour 2005, virement ce week-end, chèque 3005 la semaine prochaine, et comme j'ai prêté un appareil à Madame Aignard pour la dépanner en attendant, oui. Je lui donne le chèque de 3005, elle me rend mon appareil. D'accord. Alors hein? Catherine, donc ça veut dire que le total était de 5000 plus 2000 de maçonnerie, ça faisait 7000, on coupe la poire en deux, on est à 6000, ce qui me paraît être un bon deal. Ça vous va, Catherine? Ben, très bien. Bon, très alors bien. C'est parfait. Alors comment fait-on? Le virement, il va arriver et vous voulez le chèque contre le matériel? Pour le virement, il faut pas la même terme, on voit son virement aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui. Ok. Comme ça, on l'occupe. Et puis je prends rendez-vous avec la semaine prochaine. Allez, ça marche. Dépôt du chèque et récupération du matériel. De la matériel que je lui ai prêté. C'est super, monsieur Vandelet. Merci pour votre professionnalisme et nous avoir appelé. C'est très sympa. Merci beaucoup, on va suivre ça. Merci et passez une bonne journée. Bonne journée. Oui, Catherine, vous m'entendez? Oui, je vous remercie beaucoup. Bah voilà, donc 7000 euros, 6000 euros au lieu de 7000, on coupe la poire en deux. Oui, on est là pour faire de bons accords plutôt que de mauvais procès. Et Catherine, en tout cas, sachez-le, on va suivre ça. Après chaque virement, s'il ne paie pas, on retéléphonera. Mais je suis certain qu'il va le faire, Hervé. Quand on arrive, comment je fais? Alors oui, là, on va s'occuper de ça. Sarah, s'il faut, prendra le relais tout à l'heure. Il faut envoyer un RIB par mail en le prenant en photo, simplement avec votre appareil photo, votre smartphone. téléphone, vous l'envoyez à la secrétaire et tout ça va rentrer dans l'ordre, elle s'occupe de tout. D'accord ? Je vous remercie. Allez tous, Catherine, embrassez votre maman. Merci Alexis. Ah ben voilà. Merci à tous. Je vous en prie. Bravo Hervé Pouchol. Et bravo à l'assistante qui a tenu parole, qui a appelé son président, et le président, il a arrêté un rendez-vous clientèle pour nous parler. Moi je dis bravo. Eh ben c'est super, un cas de résolu. Alors, on va revenir sur le cas de Manuel dans quelques instants, c'est une histoire de fou. Je rappelle que un médecin généraliste nous appelle et nous dit: j'ai un patient qui est dans une situation catastrophique, il est sous dialyse 3 fois par semaine, on lui a coupé l'eau, on lui a coupé le gaz, il a même plus ses repas, je crois, que l'on sert aux personnes du troisième âge, de la mairie, enfin bref, c'est un drame absolu. Donc on dit, mais tout de suite, on le prend, c'est arrivé hier, hein, tout de suite. Et on convient d'appeler notre ami donc Manuel, la personne en question, 86 ans, dialysé, et on lui dit, on vous appelle demain matin. Il me dit, je serai en dialyse, mais il n'y a pas de souci, je vais vous parler. Et on l'a ce matin, il est sur son portable, sauf que ça passe très très mal à l'hôpital. Donc on essaie d'avoir un poste fixe, et là il y a un médecin sur place qui vient et me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez, il n'y a pas de radio, rien du tout, il fait sa dialyse, et puis je ne sais pas si c'est une bonne chose que vous vous en occupiez. Voilà où on en est. Dans une seconde, nous allons avoir le médecin généraliste pour lui expliquer qu'on ne baisse pas les bras, mais qu'il faut qu'il nous donne un coup de main pour faire comprendre à ces gens-là que si personne ne fait rien, l'électricité ne va pas revenir par l'opération du Saint-Esprit. Ça va se passer dans une seconde, sur l'antenne d'RTL, en vous souhaitant d'ores et déjà le meilleur des week-ends. Là, vous êtes sur le 9h30-11h, l'émission qui règle vos problème avec le sourire, bien sûr. 3210 pour nous joindre et passer en direct. Facebook aussi, page ça peut vous arriver. Bon week-end avec nous sur RTL. A tout de suite pour l'appel. Du 6 au 18 septembre, chez Intermarché, c'est la foire au vin. Nos œnologues ont sélectionné le meilleur de toutes les régions de France pour vous proposer plus de 800 vins d'exception. Des petits crus, des grands millésimes, des coups de cœur. Et vous profitez en plus de 10% en avantage carte sur cette sélection des 50 euros d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalités et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Votre saison pro recommence ? C'est le moment de recruter un nouveau coéquipier. Nissan, premier supporter de votre entreprise, vous propose la gamme de véhicules utilitaires la plus large du marché pour répondre à tous vos besoins, quelle que soit votre activité. Et avec 5 ans de garantie constructeur sur l'ensemble de nos utilitaires, gagnez aussi sur le terrain de la tranquillité. Rendez-vous dès maintenant chez votre concessionnaire Nissan, partenaire officiel de l'UEFA Champions League. Garantie en France 5 ans, 160 000 km, sauf INV200. Modalité sur Nissan.fr. Nissan, innovez autrement. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Oui, quoi encore ? Eh ben on est un pépin là, je suis chez Lidl. Et aujourd'hui et demain, pendant la semaine XXL, le sachet de 3 kilos de pommes bicolores origine France, dont un gratuit, est à 2,59€. Quoi ? 86 centimes le kilo de pommes bicolores ? Mais c'est infernal ça ! Ah, ça c'est un prix d'enfer hein. Mais c'est le vrai prix hein. 2,59€ les 3 kilos dont un... Bon, un gratuit, oui, bon bah ça va. On est mal, tu sais hein. Et mal façon XXL, oui, je sais. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 115-135, variété Gala ou Elstar. Faites demi-tour dès que possible. Quand Fabrice est perdu et essaye de retrouver son chemin depuis 2 heures, dans sa tête, ça fait... Gardez toujours le sourire avec Citroën. En ce moment, avec le pack Smile & Go, Citroën C4 Cactus avec entretien, garantie et assistance inclus est à partir de 135€ par mois. Portes ouvertes du 16 au 19 septembre selon autorisation. Citroën. Location longue durée 36 mois, 30 000 km. Après un premier loyer de 1 800€, offre valable jusqu'au 31 octobre sous réserve d'acceptation par crédit par. Détails sur castor.citroën.fr. Ah ben ça alors, je ressens plus rien. Et là ? Rien non plus. Et si vous passez la main là ? Ben non, rien. Insistez, prenez le temps. Non, non, rien. Bien, très bien. C'est parce qu'elle est bien posée. Il ne suffit pas de choisir une belle fenêtre, il faut qu'elle soit bien posée, sinon... Sinon ça sert à rien. Eh oui. Voilà pourquoi toutes les fenêtres cas par cas sont installées, contrôlées et garanties par cas par cas. Parce qu'on ne change pas de fenêtre tous les jours. Fenêtres, volets, portes, cas par cas. Nous faisons grand cas de votre confiance. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et nous avons le médecin traitant de Manuel. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur l'antenne d'RTL docteur. Je voulais juste vous prévenir qu'on va, évidemment, c'était à votre demande, hein, et merci d'aider vos patients, que nous allons aider Manuel. Mais nous avons un petit souci parce qu'à l'hôpital, il semble ne pas être tout à fait d'accord. Mais je voulais juste que vous me confirmiez que ce patient, si vous nous avez appelé, c'est parce qu'il est vraiment en situation d'urgence. Oui, bon, Manuel est un patient que je connais depuis longtemps, qui est dialysé donc maintenant depuis quelques années, et qui est venu me voir il y a quelques jours parce qu'il était dans une détresse absolue. Il n'avait plus d'électricité depuis le 15 août. Et il avait plus, je crois, de gaz. Voilà. Pour faire cuire ses aliments. Et donc, ce monsieur est tout seul. Il a 87 ans. Et donc, il était dans une détresse absolue. Il a voulu, c'est un monsieur qui est un ancien républicain espagnol, qui est en France depuis des décennies, et qui a décidé dans ces cas-là, éventuellement, si on pouvait rien faire pour lui, parce qu'il a manqué tous les recours, de retourner en Espagne. Bon, je lui ai dit qu'il fallait pas prendre de décision comme ça, qu'il fallait quand même réfléchir et qu'on allait pouvoir faire quelque chose pour lui. Je décidais donc éventuellement de faire appel à vous. Vous avez bien fait. Voilà. Juste, docteur, est-ce que vous en savez plus? Il devait 1 500 euros, je crois. Ouais. Il lui restait 1 500 euros à payer. Or, il me dit que il y a une partie qui pouvait être payée par lui et une autre partie qui pouvait être payée par le service social de la ville. D'accord. Bon. Donc, ça pouvait s'arranger comme ça. Mais de toute façon, on ne coupe pas l'électricité comme ça du jour au lendemain. Ça me paraît quand même très bien. Apparemment, si vous voulez, il est. On n'a rien voulu savoir et il est resté, si vous voulez, dans cet état depuis là. Bon, là, il y a l'hiver qui rentre. Il est. Donc, c'est un monsieur malade. Et non seulement il peut même pas se faire une boisson chaude chez lui, déjà pour et non seulement ça, bon, il a des repas qui peuvent être livrés, mais si vous voulez, il a besoin effectivement de se chauffer, de se laver. Bon. On s'en occupe, voilà. Docteur. On va appeler le centre communal, on va appeler la compagnie d'électricité, voilà. On appelle tout le monde et puis on va voir si on peut lui parler après. Merci, docteur. Voilà. Je m'en occupe. Voilà, je vous tiens au courant. Passez une bonne journée. Okay, il est 10h13, nous lançons donc l'appel maintenant. Alors, est-ce qu'il convient, Maître Fellonneau, d'appeler le centre communal ou d'attaquer la société d'électricité tout de suite? Moi, ce que je comprends, c'est d'abord qu'il y avait une dette. Oui. Ce n'est pas une erreur administrative, une coupure intempestive, il y avait de l'argent. Je suis étonnée qu'on n'ait pas réussi à convaincre les organismes de gaz et d'électricité de l'échéancier. Visiblement, lui pouvait payer une partie et le centre d'action sociale une partie. On va appeler le centre social pour voir si, Marie, si effectivement, il y a des choses qui bloquent de leur côté aussi. Centre social, électricité. On va peut-être d'ailleurs essayer de passer les barrages hors antenne pour n'avoir que les bonnes discussions sur l'antenne d'RTL. Donc Hervé, vous pouvez peut-être vous lancer, vous, sur la compagnie d'électricité. Pour le gaz, on a encore un numéro. Sarah, vous le faites. Vous, Marie, vous êtes sur l'action sociale. Je lance les trois numéros. Le premier qui met un interlocuteur gagne un kir offert par la maison. À tout de suite sur l'antenne d'RTL. Trop tôt. Pendant que les numéros se font, voici Céline Dion. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentirait ma mémoire. Et ces visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part. Et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, même s'il est tard. Jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent. Tant qui se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce. Où je donne ma place au paradis. Si l'on m'oublie sur terre, encore hier, encore hier. comme une fleur, un souffle, une erreur. Il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause. Que le temps, les horloges se reposent. Céline Dion sur RTL. Sur le cas de Manuel, est-ce que nous avons quelqu'un, s'il vous plaît, Marie, en ce qui concerne le service qui s'occupe de lui, le service d'aide sociale? Vous aviez promis un KIR, donc évidemment, j'ai quelqu'un au centre communal d'action sociale, Julien, qui traite le dossier. Et qui connaît bien. Bonjour. Bonjour. C'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur RTL, ravi de vous parler. Oui. Alors voilà, je suis en train d'essayer à la demande de son médecin d'aider Manuel Mascarel, vous voyez de qui il s'agit? Oui, monsieur Mascarel. Alors on oui. lui a coupé gaz, eau depuis le 25 août. 86 ans et sous dialyse 3 fois par semaine, depuis le 12 août. Oui. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est vous qui gériez ça, ces abonnements de gaz et électricité ou pas du tout? Pas du tout. Bon, donc vous découvrez en fait la chose? Non, non, ah bon. On découvre pas la chose. Monsieur Mascarel, on s'occupe là où vous êtes, au pôle social. Oui. D'accord, pôle senior, au niveau du maintien à domicile. D'accord. Nous, on gère monsieur Mascarel comme bénéficiaire étant au niveau du maintien à domicile. Il reçoit l'aide d'une auxiliaire dans la semaine et le portage des repas. D'accord. Voilà, à là où vous appelez. Mais pas pour ces problèmes d'électricité, tout ça, ça vous concerne pas? Non. D'accord, non. D'accord. Non, non. Qui s'en occupe alors dans ces cas-là quand quelqu'un est en détresse comme ça à la mairie? Alors, il rencontre le service du pôle social. Oui. Rue de Paris. Oui. Et il a été reçu pour justement être aidé. Parce que l'année dernière, il avait déjà eu des soucis au niveau de l'électricité, il avait une aide financière. Ce qui lui a été reproposé cette année, l'entretien a dû mal se passer puisqu'il est parti sans avoir eu l'aide financière. En général, comment ça se passe? Quand les personnes ont une difficulté financière et sont reçues, la responsable téléphone à EDF propose un échéancier et ça s'arrête là. Ben les ouais. gens ont une aide. D'accord, donc c'est bien EDF, il est bien chez EDF, c'est sûr. Oui, enfin, nous on parle d'électricité, mais vous voyez, moi vous me dites ça, mais est-ce qu'il est chez Engie, est-ce que c'est... Oui. Mais normalement, il est venu parce qu'il y avait une coupure d'électricité, il a fait comme tout le monde, il a été reçu pour une aide sociale. Est-ce que vous pouvez me passer alors la personne de l'aide sociale, qu'on essaie de revoir avec elle comment on peut, parce que bon, vous savez, il a 86 ans, il est sous dialyse, peut-être qu'il n'a pas compris, je ne sais pas, mais il faut qu'on arrive à trouver une solution intelligente. Vous pourriez me passer cette personne? J'ai pas la possibilité de vous transférer sur le pôle social alors, directement. Vous avez un numéro peut-être à me donner hors antenne? Quitter, oui. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve dans une seconde sur l'antenne d'RTL avec ça. Je vous donnerai la parole, Maître Novakovic. Un troisième cas arrivera, un cas express, quelqu'un qui a téléphoné et qui va passer en direct. C'est vendredi, c'est le 9h30, 11h sur RTL. RTL. Le magique anniversaire de Butte, c'est en ce moment. Le canapé d'angle convertible Osana est à moitié prix, 599,75€ au lieu de 1189. Un canapé à moitié prix? Moi, on me dit ça, j'y vais. Butte, c'est nous. Bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on y va aussi. Martin, il a quel âge ton papa? 55%. Oh, la chance! Et le tien? Bah, il a que 41%. Vous voulez pas m'adopter? Pour la rentrée et jusqu'au 17 octobre, avec l'offre pourcentage de Grand Optical, votre âge égale votre pourcentage de réduction sur votre monture et celle de vos enfants. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Conditions en magasin, dispositif médical CE. Oh, c'est fou ça! On nous annonce encore un prix inratable chez U! C'est le raisin noir, variété muscat, catégorie 1, origine France à 1,99€ le kilo seulement! Oh bravo! 1,99€ le kilo de délicieux raisin noir muscat bien sucré! Inratable ce prix, inratable! Je vous le répéterai jamais assez, inratable, inratable! C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants, liste sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants, les professionnels du gaz PG. En ce moment, vous pouvez faire des économies avec les professionnels du gaz. Et c'est facile. Avec les professionnels du gaz, qualifiés RGE, vous bénéficiez de 30% d'économies pour l'achat d'une nouvelle chaudière gaz haute performance grâce au crédit d'impôt. Et jusqu'à 30% d'économies d'énergie à l'utilisation. 30% d'économies à l'achat et jusqu'à 30% à l'utilisation? Waouh! Pas d'hésitation. Alors, contactez votre professionnel du gaz PG. Les professionnels du gaz PG. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Une Yaris hybride? T'as encore été augmenté? Bah non, mais pas du tout. Elle coûte que 159€ par mois. Une hybride à 159€ par mois? Bah ouais. Mais je peux en avoir une à ce prix-là? Jusqu'au 31 octobre, la Toyota Yaris Hybride est au prix exceptionnel de 159 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière pour Yaris Hybride France en location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer 1990 euros, bonus écologique 750 euros déduits sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire Toyota.fr. J'ai adoré notre premier rendez-vous. C'est vrai. Ouais. Je dois t'avouer que j'étais séduite par... La discount, je dois filer. Aujourd'hui, pour un pack de tablettes lave-vaisselle tout en un finish acheté, le second est offert. Soit 6,99€ les deux. Netto, le discounter qui fait la différence. 45 tablettes, 815 grammes, 6,99€ le pack vendu seul. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Ah, oh, ça bouge dans le cas de Manuel. Manuel, c'est son médecin généraliste qui nous l'a envoyé. Voilà ce que Manuel nous a dit sur l'antenne d'RTL. Alors, on n'a peut-être pas le temps parce que vous avez quelqu'un, Hervé Pouchol, en ligne pour une alerte. Oui, j'ai EDF en ligne. C'est génial. Bonjour, EDF. Oui, bonjour. Je suis à quel service, Hervé, s'il vous plaît? Alors, écoutez, là, c'est le service normal, le service client. D'accord, mais je crois que vous avez eu la communication. Oui, absolument. D'accord, donc on va laisser tomber le monsieur du service client. On va s'excuser de l'avoir pris sur l'antenne et je lui souhaite une bonne année. Merci, au revoir. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Hervé, si vous appelez le directeur et que vous me passez après le service, ça ne sert strictement à rien. D'accord, vous êtes mal compris. Julien, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait appelé et qu'il avait oublié Hervé, qu'il avait lancé le numéro. Ah, donc le monsieur était là gentiment, d'accord, il attendait. Mais ils ont été super sympas. Parce que pour aller très vite, comme il y a une situation d'urgence, Hervé, vous avez appelé la direction. Alors j'ai appelé la direction et en règle générale, la personne que j'ai chez EDF est extrêmement compétente et réactive. Là, il vient d'avoir le dossier à 10h20. Alors on va lui laisser d'ici 10h50, je vous promets au moins une information importante. D'accord. Concernant Manuel. En parallèle, Sarah, vous avez eu... Angie, Julien, et je vous passe justement la personne du service presse qui a été très touchée par le dossier de notre auditeur et elle veut justement vous en parler. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL et nous essayons d'aider ce monsieur de 86 ans qui passe plus de temps à l'hôpital que chez lui, c'est vrai, parce que trois jours où il se fait dialyser, il n'a plus d'eau, plus d'électricité. Apparemment, la dette n'est pas énorme, et puis je ne suis pas certain qu'il ait bien calculé tout ça. Du gaz, hein, à la place de l'eau, madame. Oui, pardon, du gaz, pardon, madame. D'accord. Et voilà, on essaie de l'aider, on s'est dit on va se tourner vers eux parce qu'ils ont toujours des bonnes solutions. Très bien. Bah, écoutez, je prendrai les coordonnées hors antenne de cette personne et bien sûr, on va s'occuper du dossier avec notre service client. C'est très sympa. L'habitude. Et on va vous donner aussi peut-être le numéro de l'action sociale qui gère ses comptes, qui habituellement vous appelle. Là, on est allé un petit peu plus vite que la musique parce qu'il y avait vraiment cette situation d'urgence. C'est son médecin qui nous a appelé. D'accord. Et voilà. Écoutez, c'est formidable de tomber sur des gens comme vous. Donc, je vous laisse gérer ça et puis on essaie d'avoir du nouveau début de semaine prochaine. Très bien. C'est génial. Merci. Passez une bonne matinée. Merci, au revoir. Bon, récapitulons pour notre Manuel, qu'on va essayer d'avoir une nouvelle fois sur son portable tout à l'heure. Je ne sais pas à quelle heure finissait sa dialyse. Du côté de l'électricité, un ponte s'occupe de ça, regarde et dit, on va faire quelque chose, on va pas le laisser comme ça. Du côté du gaz, c'était le gaz là. Oui. C'est exactement la même chose, donc tout va bien. Mais j'aimerais également que hors antenne, on ait le numéro. Est-ce qu'on nous a donné le numéro de la bonne action sociale, puisqu'on n'était pas tout à fait au bon service? On a fixé un rendez-vous téléphonique avant 10h50 avec la responsable qui va nous rappeler. Voilà. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, je crois qu'on a bien avancé dans ce dossier et c'est tant mieux parce qu'on n'aurait pas passé un bon week-end. Dans un tout autre salon, la loi, la règle de Maître Novakovic, la règle d'or. La règle d'or. La règle d'or. Ah, voilà. Sur RTL. Alors, la règle d'or qui est sourde d'une oreille, il faut le dire, mais on va l'équiper d'ici peu de temps. Là, j'ai rendez-vous jingle, chez Audica, normalement à 11h20 pour appareiller la règle d'or. Allez-y. Oui, alors Julien, donc effectivement, le décret du 13 août 2008 a encadré avec précision la procédure à respecter par les fournisseurs d'électricité et d'eau avant de procéder à une coupure. Donc cette loi prévoit bien qu'il y a un délai, il faut relancer, et en cas de problème, on peut contacter le Fonds de solidarité logement. Il s'agit également des personnes qui peuvent être contactées au niveau de la mairie, du centre communal d'action sociale, donc également les points services aux particuliers ou encore la caisse d'allocation familiale de son département. Donc sachez-le, il y a des recours et on peut faire suspendre dans le cadre des actions solidarité toute effectivement action de coupure tant que ça n'est pas réglé. Elle est des nôtres, elle a donné son conseil comme les autres. Bravo Maître Novakovic. Odile est-elle en ligne, que je lui fasse un petit cucu? Bonjour, oui. Odile. Bonjour. Comment allez-vous, Odile? Ça va, merci. Je voulais vous faire un cucu. Odile, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de près de Rouen. Et on va se tutoyer, Odile, entre au cœur. Tu as commandé une table chez La Redoute. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu redoutes exactement avec ta table? J'ai commandé une table le 20 août chez La Redoute. Elle devait être livrée dans les 10 jours. Elle a été livrée que le 7 septembre. Oui. Le 7 septembre, j'ai reçu un colis qui était complètement éventré, donc je l'ai refusé. Elle a dit anormal, oui. J'ai rappelé La Redoute tout de suite, qui m'ont dit on va vous rembourser, vous recommandez le même produit. Ce que j'ai fait. Ils ne m'ont pas remboursé de la première table, ils m'ont bien prélevé les deux fois, et le deuxième colis que j'ai reçu mercredi était à nouveau éventré, et je pense que c'était le même, il a juste été rescotché. Votre objectif, c'est un remboursement de combien alors ? Alors, j'aimerais avoir un des remboursements, et surtout avoir aussi une table qui est à la route. Quoi. Ça, c'est la partie conso, après il y a la partie Jacques Pradel, puisqu'on va lui passer le cas également pour l'éventreur de colis. Aujourd'hui, le cas de l'éventreur de colis de La Redoute. Lorsqu'Odile ouvre sa porte, sur son palier, un colis est éventré. Le cadavre est renvoyé bien sûr à La Redoute, qui renvoie un autre corps. Quelques semaines plus tard, à nouveau éventré. Je recevrai cet après-midi des gens spécialisés dans les meurtres pour parler du cas d'Odile Bunel et l'éventreur de La Redoute. A tout de suite sur RTL. RTL. Affligem, cuvée blonde. D'abord, contempler les reflets dorés de sa robe millénaire. Puis, ressentir toute la richesse du bouquet fruité d'Affligem. Enfin, savourer le subtil équilibre de ses notes de fruits jaunes et de miel. C'est l'instant où se révèle la parfaite harmonie d'Affligem cuvée blonde. Affligem, et si la bière se dégustait ? Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Pour rendre visite à ma mère, il me faut un hélicoptère. Alors pour l'anniversaire loto, j'aimerais bien gagner les 13 550 865 euros. Pour les 40 ans de loto, ce vendredi, super loto exceptionnel de 13 550 865 euros. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Bon, alors, t'as choisi ta montre ? Bah, je sais pas. Une montre mécanique, plus classique. Ou une montre connectée, plus techno. Bah, j'hésite. Oh là là, qu'est-ce que ça va être quand on va changer de voiture ? Bah, un Nissan Qashqai. Certains choix s'imposent de même. Pendant les journées technologie Nissan, Nissan Qashqai est à partir de 249 euros par mois avec 4 ans d'entretien inclus. Pour Nissan Qashqai Visia DEGT 115 et l'LD 49 mois avec 2000 euros d'apport jusqu'au 30 septembre si accordiaque. Entretien hors pièces d'usure et pneus, portes ouvertes du 16 au 18 septembre. Nissan, innover autrement. Je suis la remise exceptionnelle de 20% de chez Castorama. Oui, moins 20%. Et ce week-end, j'ai décidé de me poser sur tous les luminaires et tous les carrelages. Et on va embellir votre maison. Oui ! Alors rendez-vous chez Castorama aujourd'hui et jusqu'à dimanche pour profiter de 20% de remise sur tous les luminaires intérieurs et extérieurs et tous les carrelages sol et mur intérieurs et extérieurs. Vite, lancez-vous ! Hors ampoule, interrupteur, accessoires école, hors commande et promotion en cours, voire conditions en magasin et sur castorama.fr. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et nous essayons d'aider Odile qui nous a appelé. À quelle heure avez-vous appelé d'ailleurs, Odile ? Vous me l'avez dit tout à l'heure, vers 9h30. Bon, parfait. Odile, donc je rappelle que vous avez commandé la table chez La Redoute, vous voulez un remboursement parce qu'on vous l'a livré une première fois en retard et éventré, une deuxième fois en retard et éventré. C'est parti, nous les appelons. Faites le numéro, mon petit Hervé. C'est parti, Jackie. Allez. Nous appelons le SAV de La Redoute. Bonjour et bienvenue à La Redoute. Music Lounge. Afin d'améliorer notre qualité de service, nous vous informons que cette communication est susceptible d'être enregistrée. Ben super. En vertu de la loi informatique et liberté, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou d'opposition au traitement des données que vous nous communiquez. Vous pouvez interrompre ces explications à tout moment. Je tape mon numéro de client ou l'un des numéros de téléphone que j'ai déjà communiqué en terminant. Aujourd'hui, la Marie, elle est super forte. Hein. Elle attend même pas les fins de phrase. Depuis que j'ai promis un kir, je peux vous dire que ça va deux fois plus vite. Commande en cours, tapez 1. Pour activer la garantie de votre produit ou obtenir un devis pour... Votre délai d'attente est estimé à plus de 10 minutes. Ah, quand même ! Ah, tout de même ! On a bien fait Vous allez bientôt être... Et Odile, c'est comme ça qu'on vous appelez, vous aussi ? Ah oui, et puis c'est une plateforme qu'ils n'ont absolument rien à faire. Hein. Ah, c'est une plateforme qui n'a absolument rien à faire. Oui, Marie. On a le numéro du siège, si vous voulez. Non. On fait les mêmes numéros dans l'ordre. Donc on va attendre 10 minutes, il n'y a aucun souci. Il nous reste une demi-heure d'émission. Puis il va y avoir le Money Time qui va démarrer avec tous les cas qui vont se retrouver les uns avec les autres. Et nous allons avancer avec un autre cas dans une seconde. Parce que ça ne manque pas. 32-10 d'ailleurs, hein, pour passer en direct. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez. De votre côté, Hervé Pouchol. Eh bien, de mon côté, je vais reprendre la redoute dans quelques instants, vu qu'il y a 10 minutes et que j'ai 10 minutes devant moi. Eh bien, je vais tout de suite. Ça tombe bien. Et puis, je rappelle qu'Hervé Pouchol, de toute façon, est au forfait. Il est payé jusqu'à 11h. Donc, il n'y a aucune raison qu'il ne s'occupe pas de ce cas. Oui, Maître Félonneau. Moi, je suis un peu choquée par les pratiques du vendeur parce qu'il reconnaît que la livraison est défectueuse. Et il dit, attendez, je vais vous rembourser. Il a 14 jours, Julien, d'après le Code de la consommation pour le faire. Mais si vous voulez avoir de nouveau cette table, il faut recommander et repayer. Donc, c'est absolument incroyable que dans les 14 jours, elle n'ait pas reçu le remboursement de la table défectueuse et qu'elle ne soit toujours pas livrée maintenant. Donc, on se fout du peuple. Maître Novakovic, quelque chose à dire là-dessus? Non, je suis complètement d'accord. Voilà, c'est rare. Vous noterez que c'est aujourd'hui qu'elle est d'accord. Je suis très souvent d'accord avec Sylvie, qu'on se le dise. Voilà. Bon, allez, nous allons nous retrouver dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Il revient et il n'est pas content. On attendait son retour. Il est là, c'est Sting. I can't stop thinking about you. C'est une nouveauté. RTL a été l'une des premières radios à vous le jouer, car nous adorons Sting. 32-10, tous les coups de fil sont donnés juste après. Merci d'être avec nous sur RTL dans le 9h30-11h. Incomplete. C'était Sting sur l'antenne d'RTL. Je vous rappelle que nous sommes en train de traiter le cas de la table de la Redoute. Où en êtes-vous, Hervé Pouchol, à 10h36? Bien, je viens d'avoir un message important. Un conseiller va vous prendre dans quelques minutes. Ah. Mais le problème, mais c'est que déjà, ça fait on nous l'a dit il y a 10. Ah non, mais il faut attendre 3, ils ont dit 10. Oui, ah, mais bon, là, ils ont encore normalement dans 3. Alors, petite pause. Et de toute façon, on a nos suivis de cas à faire, car je vous rappelle que nous faisons en sorte que cette émission soit un feuilleton. Quand on ne règle pas le problème le lundi, on le réattaque le mardi et le mercredi. Sarah nous donne des nouvelles. On reviendra sur une maison, je vous le rappelle, où il y a eu un mouvement de solidarité extraordinaire, mais ce n'est pas fini et on a encore besoin un petit peu de vous et on pourra conclure là-dessus. Dès que vous avez la Redoute, la petite alerte que tout le monde connaît. Donc à tout de suite sur RTL pour avoir un interlocuteur. Loïc va tester à l'aveugle des bâtonnets de poisson pané. Les bâtonnets Findus à 5,79€ le kilo, puis les bâtonnets Lidl à 3,89€ le kilo. Loïc ? J'aime. Et ? J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées, portant sur Findus Croustibat bâtonnets de poisson pané non disponible chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Bâtonnets Findus, 3,19€ les 550 grammes. Bâtonnets Lidl, 1,75€ les 450 grammes. Pour votre santé, bougez plus. Bon, alors, tu veux quoi comme cadeau ? Je sais pas, soit un ordinateur, ou une tablette, ou sinon un smartphone. J'hésite. Qu'est-ce que ça va être quand on va changer de voiture ? Un Nissan Qashqai. Certains choix s'imposent de même. Pendant les journées technologie Nissan, Nissan Qashqai est à partir de 249€ par mois avec 4 ans d'entretien inclus. Pour un Nissan Qashqai Visia DGT 115, c'est l'aile des 49 mois avec 2000€ d'apport jusqu'au 30 septembre si accordiaque. Entretien hors pièces d'usure et pneus, portes ouvertes du 16 au 18 septembre. Nissan, innover autrement. Mathieu Croissandeau, directeur de la rédaction de l'Obs. Cette semaine, l'Obs vous explique comment profiter de la reprise du marché immobilier. Retrouvez dans votre région tous nos conseils pour réaliser votre projet, comment louer, acheter, vendre ou investir au meilleur prix, comment profiter des taux de crédit records et comment y voir clair dans les dernières mesures fiscales. L'Obs, dès jeudi, chez votre marchand de journaux. Leclerc. Chérie, la nouvelle PS4 de Sony sort le 16 septembre. Et dès le 16 septembre, la nouvelle PS4 de Sony est chez Leclerc. Et c'est bien ça. Mais enfin, je te parle de la sortie nationale de la nouvelle console de jeux Sony. Le 16 septembre chez Leclerc. C'est parce que le meilleur du jeu vidéo est chez Leclerc qu'à partir du 16 septembre, la nouvelle console PS4 500Go de Sony débarque chez Leclerc au prix de 299€, dont 12 centimes d'éco-participation. Voir modalités dans les magasins participants et sur le site culture.leclerc. Dès le 16 septembre, tous chez Leclerc. France 2. Du lundi au vendredi, on se fait du bien, on crée du lien avec les émissions de l'après-midi. Mille et une vies et mille et une vies rêvées. Visite privée, Amanda, Actuality et n'oubliez pas les paroles. Du lundi au vendredi, l'après-midi, c'est encore et toujours mieux sur France 2. Du 6 au 18 septembre, chez Intermarché, c'est la foire au vin. Nos œnologues ont sélectionné le meilleur de toutes les régions de France pour vous proposer plus de 800 vins d'exception. Des petits crus, des grands millésimes, des coups de cœur. Et vous profitez en plus de 10% en avantage carte sur cette sélection des 50€ d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalités et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Du côté de la Redoute, s'il vous plaît, Hervé Pouchol, pour le cas de la table. On nous a annoncé 10 minutes. Oui. Là, on est à 9h30. Donc, normalement, dans 20 secondes. On va voir ça en direct. Alors, vous me faites une petite alerte dès que quelqu'un répond. Allô ? Non, c'est moi qui ai coupé. Ah, c'est vous qui avez coupé. Surtout, vous faites comme au bistrot les uns les autres. Vous prenez la parole sans micro, c'est pas grave. On est vraiment à la bonne franquette. On va prendre Myriam. Myriam, je rappelle son histoire, avait acheté une maison le 6 août. Sa copine lui dit : je connais un super entrepreneur qui peut te faire une super maison. Et l'entrepreneur lui a dit : faites-moi un super chèque. Et elle a fait le chèque, 18 000€ plus des rallonges et catastrophe. Et on a vu les photos. Cette mère ne pouvait plus vivre dans la maison avec son fils. C'était même plus du camping, c'était pitoyable. Donc on a lancé un mouvement de solidarité du côté de Saint-Étienne. Les artisans là-bas m'ont été, mais c'est pas fabuleux, extraordinaire, des saints hommes. Bref, les travaux ne cessent d'avancer. Et là, vous nous faites un point ce matin, Sarah, car les auditeurs veulent savoir. Exactement, Julien, vous avez été nombreux à me demander des nouvelles sur le chantier de Myriam. Alors, j'ai de bonnes nouvelles ce matin. Ça a beaucoup bougé depuis hier. Le premier étage est sur le point d'être terminé, c'est officiel. Parce que Maximilien, je tiens à le remercier, de la société Arelec, est allé chercher les fenêtres chez Sébastien Félix. Félix de la société E2F. C'est vous dire comme il y a beaucoup d'artisans et les a ramenés sur le chantier. Alors nous aurions juste besoin d'une petite aide. C'est un poseur maintenant. Et je tenais à revenir sur l'annonce concernant le plaquiste. Et nous l'avons trouvé. Merci Julien. Il se nomme Majid Benjebara. C'est le poseur. Wow, un basketteur qui vient. Et donc, de Saint-Etienne. Donc il est sur le chantier et va terminer le premier étage. Alors vous avez besoin de quoi maintenant ? D'un poseur de fenêtres. D'accord, c'est, toutes les semaines il vous faut quelque chose de plus. Hein. C'est ça. Mais on le fait pour notre auditrice qui est en ligne avec nous. Vous êtes là ? Myriam ? Oui, bonjour à tous. Bon Myriam, on continue, on va y arriver. Ça va, contente, heureuse ? Oui, ça va, ça va. Plein de rebondissements, mais on va y arriver. Et bon. Des fois, Sarah, elle est juste formidable. Et ils sont fantastiques, les auditeurs d'RTL. Allez, Myriam, dès que c'est terminé, on l'annoncera. On est proche vraiment là de l'emménagement. Hein. Je vous fais un gros bisou, oui. Myriam. Moi aussi, je vous embrasse. Merci. Merci donc, encore. On rappelle qu'il nous faut un poseur de fenêtres. Il doit aller où sur sur Saint-Étienne, Julien. Donc, on l'attend avec les croissants et café. Elliot, vous me tout. Alors, au fait, Hervé, 10 minutes, c'est passé là, la redoute. Ah bah il nous en fume un peu parce qu'on est à 11h 11 minutes 30. 11 heures d'attente là. J'aime cette émission, hein, sachez-le, mais je ne suis pas sûr de pouvoir rester 11 heures derrière le micro. Vous en êtes à 11 minutes maintenant. 11 minutes 30, ils annoncent. D'accord. 10 minutes, je suis désolé, ils ont dépassé le délai et ça me plaît pas. Ah oui, alors on est dans la séquence enfumage. Elliot, rappelez-vous, c'était ce cas super intéressant. Elliot avait déposé un chèque de 420 € sur son compte. Or, il apprend après l'avoir déposé que son compte avait été clôturé parce qu'il était à découvert, donc ça il ne le nie pas. Donc on lui a fermé son compte. Donc du coup, que devient ce chèque ? Quid de ce chèque ? Est-ce qu'il l'encaisse pour combler ? Mais nous, on se disait, si le compte est clôturé, on ne peut plus encaisser un chèque. Eh bien, nous avons appelé et nous avons sa maman qui est en ligne, la maman d'Eliott. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Sophie, je parie. Oui, c'est je moi. Le savais. Bonjour. Donc oui. Sophie, maman d'Eliott, quel est le dénouement de l'histoire puisque nous avons beaucoup travaillé en collaboration avec Sarah et tout le monde ? Oui, bah écoutez, merci beaucoup d'abord pour vos efforts. Je vous en prie. Quelle est la solution ? Mais écoutez, le problème est que malheureusement, Elliot avait le rendez-vous ce matin avec le directeur de l'agence. Et puis, il est tombé malade dans la nuit. Donc, j'imagine que c'est une gastro parce qu'il y a vraiment de la fièvre, de la vomi quasi toute la nuit. Ah oui, ça. Et ce qui fait que j'ai appelé le directeur ce matin. Bon. Et il a rendez-vous mercredi prochain. Parce que moi, je peux vous aider juridiquement d'appelant, mais sur les analyses de sel, je ne suis pas très compétent. Je ne peux pas. Je ne sais pas si c'est une gastro ou pas. Donc, Sarah, on en est où ? Moi, j'en sais plus, Julien. Moi, je suis maman. Oui, mais c'est normal. J'imagine que c'est ça. Donc, je ne sais pas, mais enfin bon. J'en sais plus. Excusez-moi, alors moi j'en sais plus, j'ai eu Marion et je tiens à féliciter les services de la banque PNB Paribas parce qu'ils ont passé l'après-midi sur le dossier d'Eliott. Ils m'ont expliqué que c'était un problème technique effectivement qui avait probablement été à l'origine de cette situation. Alors tout va être régularisé quand Eliott va pouvoir rencontrer le directeur de l'agence puisqu'il va y avoir évidemment remboursement mais il va y avoir aussi un geste commercial, Julien. Ah super. Donc bravo à eux. Bon, ben voilà, c'est normalement c'est ce qu'on devrait vous annoncer après la gastro, d'accord ? C'est formidable. Alors je vous fais pas un gros bisou parce qu'il faut faire quand même attention quand il y a ce genre de microbes. Mais je vous salue, j'étais très heureux de vous aider. Bravo. Donc normalement, si tout va bien, il aura son chèque et un petit bonus. Bravo. C'est bien ça, Julien. Je lui transmettrai tout ça, il va être content. Gros bisous. N'hésitez pas, tous vos problèmes bancaires, c'est tout de suite au 3210 ou sur Facebook, la page « Ça peut vous arriver ». Il nous avait promis 10 minutes d'attente, la redoute. On en est à combien, Hervé ? 14 minutes. Oh ouais. Je viens d'envoyer un petit tweet. Ah, très bien, vous avez raison. Ami de la redoute. Ah, ça y est, il y a quelqu'un ? On peut le connecter ? Non ? Bon, ben vous prenez, vous parlez, hein, dès que vous avez quelqu'un. On va se retrouver dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Je vous rappelle que j'ai la chance, l'honneur et la joie de démarrer un nouveau spectacle avec RTL, 100% nouveau. Il partira en rodage. Vous savez, c'est des toutes petites salles, c'est génial parce qu'on est vraiment un peu les uns sur les autres, mais moi j'adore ça. Des toutes petites salles, on démarrera à Toulouse les 13, 14 et 15 janvier au 3T. On ira à Versailles les 20, 21 et 22 janvier, à Moret-sur-Loing 27, 28 janvier ou encore à Lille au Spotlight les 3 et 4 février. Et pour tester tout ça, et donc ça sera super. On va se retrouver dans une seconde, on va continuer notre feuilleton. Isabelle et son iPhone 4S qu'elle avait acheté sur un site qui a jamais marché, c'était hier. Eh bien, nous aurons peut-être du nouveau et toujours en attente de la redoute. Avec Maître Novakovic et Maître Felono, vos deux avocates sur RTL. A tout de suite pour la suite sur RTL. Producteurs, consommateurs, tous unis chez Intermarché. Intermarché soutient les producteurs d'endives françaises. Le sachet d'un kilo d'endives Origine France est à 1,19€. Oui, 1,19€ le kilo d'endives Origine France. Mais dépêchez-vous, ce n'est que jusqu'à dimanche chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Catégorie 1. Lotto, lotto, lotto. pour les 40 ans de l'auto, ce vendredi, super loto exceptionnel de 13 550 865 euros. À partager au rang 1, voire règlement. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Le mois Carrefour. Regarde Claire, il y a encore un nouveau deal du jour renversant pendant le mois Carrefour. Ouais, j'ai vu. Aujourd'hui, l'ordinateur portable HP 15,6 pouces est à 299 euros au lieu de 449. Attention, départ imminent. Pendant le mois Carrefour, les deals du jour, c'est tous les jours une offre renversante. Aujourd'hui, dans les hypermarchés Carrefour et sur carrefour.fr, l'ordinateur portable HP 15,6 pouces est à 299 euros au lieu de 449. Référence HP 255G4, garantie 2 ans. Carrefour. Kiabi colore la vie. Le moment le plus magique de l'automne, c'est quand la nouvelle collection arrive chez Kiabi. Tous ces styles, tous ces looks de folie. Et si on est tendance hippie chic 70, on craque pour la blouse lavalière unie ou imprimée à seulement 9 euros. Et puis, les hommes aussi, on peut les looker hippie chic. Du 14 au 27 septembre, conditions en magasin et sur kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. Oh, c'est fou ça! On nous annonce encore un prix inratable chez U! C'est le raisin noir, variété muscat, catégorie 1, origine France à 1,99€ le kilo seulement! Oh bravo! 1,99€ le kilo de délicieux raisin noir muscat bien sucré! Inratable ce prix, inratable! Je vous le répéterai jamais assez, inratable, inratable! C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants, liste sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants! Maman, tu m'emmènes pas à l'école? Déjà? Mais si on reste en vacances? Le temps de remplir la paperasse pour réparer la voiture. Bah, c'est la rentrée quand même. La rentrée, ça va, il y en a une tous les ans. Tiens, si tu arrives à déchiffrer cette déclaration de sinistre, tu auras gagné au moins 3 ans sur ton programme scolaire. C'est bon ça? Nous aimerions tous obtenir une solution concrète dès le premier appel. Avec l'assurance auto et habitation Alliance, un conseiller vous propose une solution dès le premier appel. Et en ce moment, jusqu'à 2 mois gratuits selon les contrats pour toute souscription faite avant le 31 décembre 2016. Voir conditions sur alliance.fr. Alliance, avec vous de A à Z. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Nous aurions la redoute, Hervé Pouchol. Allô. Et vous avez la redoute, la conseillère. Bonjour madame. 16 minutes. Comment allez-vous? Oui, bonjour. Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur la radio RTL. Je suis avec votre cliente Odile Bunel qui va vous dire bonjour. Bonjour. Voilà, et qui a des problèmes avec ses tables, sa livraison d'une table qu'elle a commandée chez vous. Alors, est-ce que vous pouvez la retrouver sur votre ordinateur ou est-ce que c'est déjà fait? Oui, absolument, j'ai donné les coordonnées. Bien sûr. Donc, au nom de Madame Bunel, Odile, la table grillée en tracite qu'elle a commandée le 7 septembre, oui, effectivement. Voilà. Oui, alors j'ai commandé deux fois. Oui. J'ai eu deux prélèvements, j'ai toujours pas de table. Parce qu'à chaque fois, la table arrive éventrée, donc elle la refuse. Donc on lui a recommandé une deuxième table, on lui a repris l'argent et elle n'a toujours pas de table. Là, on a quand même à plus de 2000 euros, du coup, ça commence à faire une sacrée somme. Bien sûr. Donc ce qu'il faudrait, c'est lui rembourser une des deux tables, évidemment, puisqu'elle n'en a aucune. Obligatoirement. Obligatoirement, et après qu'elle en ait quand même une. Puisqu'elles arrivent éventrées à chaque fois. D'accord, je vérifie de suite l'information. Oui, vérifiez l'information, je vous en prie. Donc il vous faut tout. Alors, la dernière commande qui date du 7 septembre, là, je veux sur le dossier, c'est noté comme quoi refus client. Vous avez refusé le colis aujourd'hui même, Madame Bunel? J'ai refusé le colis mercredi parce qu'il était encore très abîmé. D'accord. Et c'était probablement même le même colis que la première fois. Ah bon? Vous pensez qu'on vous a remis la même table? Ah bah, vu comment il était déchiré, il avait été rafistolé avec du scotch. Et prenez des photos dans ces cas-là. Bah oui. Il faut prendre des photos du colis. Alors, comment peut-on avancer, Madame? Pour ce cas-là, monsieur, du fait que Madame Bunel, pour la deuxième fois, vous avez reçu la table abîmée, donc on transfère le dossier au service après-vente, oui, il prend en charge votre dossier. C'est pas normal, bien sûr, du fait que vous avez, pour la deuxième fois, vous avez reçu l'article défectueux. Je m'excuse au nom de la redoute pour cette gêne occasionnée, Madame Bunel. Mais rassurez-vous, le nécessaire sera fait. J'en fais par le service après-vente, mais okay, le service spécialisé tout de suite. Ok, bien, merci, madame. On va appeler le siège. Merci. Je vous en prie. Allez, merci. Passez une bonne journée. Odile, c'est juste parce qu'on fait les mêmes numéros que vous, mais là c'est une fiche qui a été bien lue d'ailleurs, oui, ouais, parfaitement lue, mais ça ne va pas régler le problème. Donc on appelle s'il vous plaît Marie, le siège vous l'avez sur la fiche, et vous essayez Hervé de m'avoir quelqu'un tout de suite. Oui, hein, l'assistant du directeur général, comme ça au moins, là, plus on s'approche. Et vous pouvez le passer, ou le standard du siège, mais c'est un peu dommage, mais les plateformes, voilà, cette dame, elle ne peut pas prendre de décision, maître Felono, on est d'accord, donc elle lit l'argument. Un collier éventré, on a raison de le refuser, mais si le livreur avait la possibilité d'ouvrir avec nous, consommateurs, le colis pour vérifier si la table est endommagée ou pas, ça résoudrait le problème. Mais les livreurs, ils n'ont pas le temps, Julien. Eux, ils sont obligés de faire ne sais pas combien de livraisons dans leur tournée et ils sont très pressés, trop pressés. La chance de vivre à l'ère du smartphone qui filme, Maître Novakovic. Donc, quand le colis arrive, c'est tout bête. Vous faites une petite vidéo, vous mettez sur vidéo, vous appuyez, vous dites voilà le colis qui m'est envoyé. Vous mettez le livreur dans le cadre pour qu'on voit bien que c'est pas vous qui avez fait ça tranquillement. Tout à fait. Et dites et voilà, c'est pour ça que je le refuse. Et là, ça vaut de l'or, ça. Tout à fait, je suis complètement d'accord. Ne pas hésiter à filmer, faire des photos. Ensuite, immédiatement adresser, évidemment, à votre fournisseur toutes ces photographies et films et les mettre en demeure de résoudre le problème au plus tôt. Mais c'est vrai qu'il est évident que les preuves, il faut les constituer systématiquement. C'était le conseil de la grande et seule et unique Maître Novakovic. Maintenant, mesdames, repartons quelques années en arrière quand on sortait tous les trois, parce qu'on va pas mentir aux auditeurs, on faisait la Java en 84, lorsqu'on allait à la Chunga. Eh bien, bienvenue à la Chunga ici, avec la grande soirée des avocates. Maître Novakovic est au vestiaire, au bar, c'est Maître Felono. Payez la bouteille, elle peut passer avec vous dans le backroom. Et voici maintenant pour la musique It's My Life, Toc Toc. Sur RTL, très rapidement, je vous donne des nouvelles, comme je vous l'ai dit, d'Isabelle. Isabelle est passée hier lors des portes ouvertes. Isabelle, êtes-vous en ligne? Oui, bonjour Julien. Bonjour Isabelle, vous avez acheté un iPhone 4S sur un site le 21 août 2016 et le 18... Le 21 avril, pardon. Et il a commencé à bugger en mai et fin mai, il ne fonctionnait plus du tout. Depuis le mois de mai, vous avez téléphoné 12 fois et vous aviez dû racheter un téléphone et vous voulez le remboursement du vôtre. Hier, nous avons essayé d'appeler le site et nous avons de la chance, nous n'avons pas réussi hier, mais nous avons aujourd'hui Cyril qui est en ligne, je crois, qui est le patron du site. Bonjour. Bonjour Julien. Bonjour et merci beaucoup de nous rappeler aussi vite. Vous n'avez rien à cacher, vous êtes là pour la satisfaction de votre cliente. Et justement, comment peut-on arranger son cas? À moins qu'il y ait un problème particulier qui m'échappait. Non, le cas, il est arrangé dans la minute où vous êtes passé à l'antenne puisque le remboursement a été effectué. C'est pas un sujet. En revanche, on peut que s'excuser platement parce que c'est notre religion, la satisfaction client. Et du coup, j'ai mis mon nez un petit peu dans ce cas qui est assez complexe. Alors, je vais pas tout détailler à l'antenne, mais hier, votre médiateur m'a posé beaucoup de questions. Enfin, on a envoyé des tailles pour montrer que un peu notre bonne foi. Ce qui est particulier, c'est que Brandalet, c'est un site de mode. Et de temps en temps, on fait des opérations comme ça, où en l'occurrence, c'est un iPhone. Et la cliente, me semble-t-il, voulait une réparation. Donc, il fallait l'envoyer au service après-vente. Bref, on s'est fait un peu balader par le fournisseur. D'ailleurs, j'ai donné les coordonnées du fournisseur au médiateur de votre émission. Oui. Vous devriez peut-être... Vous pourriez. Mais si vous voulez, je vais vous expliquer, monsieur, pourquoi. Je pense pas, parce qu'elle n'a qu'un interlocuteur. Elle, en tant que cliente, c'est vous. Qu'après vous ayez des problèmes avec ce fournisseur, ben, faut plus passer par lui. Mais si le client commence à. Ben non, si vous m'appelez en me disant je veux qu'on traite mon cas en tant que site parce que j'ai un fournisseur qui fait pas son boulot, là c'est autre chose. Mais si c'est son cas, elle qu'on règle, c'est avec vous qu'on doit le régler. Alors attendez, juste, j'ai démarré en disant. Oui. La cliente n'a pas à savoir tout ça. C'est d'accord. Inexcusable. Alors qu'est-ce qu'on fait alors en fait? Mais rien, elle est remboursée là. Ah ben voilà, mais c'est super, bravo. Ben voilà, écoutez, bravo pour Andalé. Mais je vais vous dire d'ailleurs pour prouver votre bonne foi. Mais rapidement, monsieur, parce que c'est la fin. Très rapidement. Allez-y. On a créé un code promo qui s'appelle Julien Courbet, qui va aujourd'hui jusqu'à minuit. Donc tous vos auditeurs qui nous écoutent là tout de suite sur Brandalay, ils tapent Julien Courbet, ils ont 10€ déduit sur leur d'accord. commande, c'est valable aujourd'hui jusqu'à minuit. Et s'ils sont pas livrés, par contre, je garantis qu'ils passent tous dans l'émission. Hein, s'il y a le moins de problèmes. Là, je leur donne le code. Je leur donne le code Julien Courbet. Si jamais ça se passe mal, moi, je joue le jeu, monsieur. S'il y a 10%, tant mieux. Mais si après ça se passe mal, c'est 30 appels. Attention. Merci monsieur, merci beaucoup. Passez une bonne journée, merci. Vous avez votre virement qui est parti, Isabelle, normalement. Merci. Je vous souhaite une belle journée, Isabelle. Vous aussi, merci beaucoup. Merci à tous. Et il y a eu une alerte à 10h57, nous sommes dans le Money Time. Que se passe-t-il, Hervé Pouchol ? Eh bien, concernant Odile et son problème de table par rapport à la redoute, vu qu'on n'avançait pas avec le service client, j'ai contacté l'assistante de Nathalie Balak, qui est le PDG de la redoute, qui a pris le dossier d'Odile. On aura du nouveau, grâce à Sarah, lundi. Qui avait travaillé d'ailleurs dans le groupe de la compagnie créole. Nathalie Balak, Nathalie Balak. Ohé, ohé. À tout de suite. Tiens, encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. Mais c'est quoi ces bouteilles, ces caisses en bois ? Jusqu'au 2 octobre, c'est la foire au vin chez Carrefour Market, Michel. On va découvrir les secrets des domaines et la sélection de vins Carrefour Market à petit prix. Dites-moi plus ! Par exemple, le Château Bel Air Gloria au Médoc Cru Bourgeois 2014 est à seulement 8,99€. Un vin aussi à ce prix-là ? Vous connaissez bien votre domaine. Carrefour Market. Bouteille de 75 centilitres, disponible dans les drives Carrefour Market. Voir produits et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RTL présente Persona étrangement humain au musée du Quai Branly. À l'heure des grands débats sur le transhumanisme et l'intelligence artificielle, plongez aux frontières du réel avec l'exposition Persona étrangement humain au musée du Quai Branly. Art premier, art contemporain, robotique, humanoïde ou encore produits high-tech, vivez une expérience inédite et fascinante pour comprendre les objets qui nous ressemblent. L'exposition Persona étrangement humain jusqu'au 13 novembre au musée du Quai Branly avec RTL. J'ai adoré notre premier rendez-vous. C'est vrai. Ouais. Je dois t'avouer que j'étais séduite par. Là, Discount, je dois filer. Aujourd'hui, pour un pack de tablettes lave-vaisselle, toi, t'en as un finish acheté. Le second est offert. Soit 6,99€ les deux. Netto, le discounter qui fait la différence. 45 tablettes, 815 grammes, 6,99€ le pack vendu seul. Vous écoutez le 9h30-11h sur RT. Merci, Maître Novakovic, l'avocate spécialisée dans le divorce et dans le pénal. La meilleure de France, c'était avec nous. Au revoir à tous. Avec un cabinet à Enghien, à Paris, mais bientôt, il y aura Hong Kong, New York, comme sur les cartes de visite. Merci, Maître Felonneau. Merci, Julien. Merci à toutes les équipes d'Alain Hazard, émission réalisée par Xavier Kassovitch. Hervé Pouchol était le négociateur. On a réglé plein de cas ce matin. Nous sommes donc les plus heureux du monde. L'iPhone, la banque. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Écoutez, l'ascenseur. Oh là là, c'est fantastique. On remet ça lundi matin avec vous. Hein. J'espère que vous serez là à 9h30 sur RTL. What's the sense in sharing this one and only life? Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. J'aime tes conseils experts. Ta qualité made in France. Ta pose très professionnelle. Et comme le Rénov est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. I love Marie Guerrier. RTL 11h. L'information sur RTL, c'est bien sûr avec Marie Guerrier. Rebonjour Marie. Rebonjour Julien, bonjour à tous. Une violente explosion a détruit un immeuble ancien du centre-ville de Dijon ce matin. Il y a au moins 8 blessés, dont un dans un état très grave. Et une victime se trouve encore sous les décombres. Ça s'est passé rue Pierre Palliot, au numéro 15. Il était 9h30. L'explosion est probablement liée au gaz, dit la procureure qui est sur place, et exclut tout acte terroriste. Le quartier est complètement bouclé. D'importants moyens de secours sont mobilisés. Anne Lehena vient de joindre pour RTL Thierry, un habitant de la rue. J'étais tranquillement en train de saisir de la comptabilité. J'ai entendu un énorme boom. J'ai regardé, j'ai vu de la fumée. J'habite dans une maison, donc je suis monté à l'étage. J'ai vu que les tuiles de l'immeuble voisin avaient sauté. J'ai des policiers qui sont passés prendre mon identité, donc ils m'ont confirmé que c'était une explosion au gaz. Vraisemblablement quelqu'un qui s'est suicidé. Ah bah, la rue, elle est totalement verrouillée. Il y a des policiers partout, il y a des ambulanciers, des pompiers. Attendez, je vais ouvrir la porte, je vais vous dire. Là, en face de moi, j'ai un camion des pompiers avec des outils pour pouvoir étayer un bâtiment. C'est marqué cordage, main courante, protection, tronçonnage. Et ils sont en train de monter tout un tas d'éléments pour soutenir un bâtiment qui menacerait de s'écrouler, a priori. Ah bah, ça me fout la trouille, oui. Le témoignage d'un habitant de Dijon, tout proche de l'immeuble qui a explosé ce matin. L'Union européenne est dans une situation critique. Déclaration de la chancelière Angela Merkel à son arrivée à Bratislava, en Slovaquie, où se tient aujourd'hui un sommet des 27 pays de l'Union, désormais sans le Royaume-Uni. Cette réunion a lieu dans un château perché sur une colline surplombant le Danube. Les chefs d'État et de gouvernement vont débattre de ce qu'ils veulent pour cette nouvelle Europe post-Brexit. Une Europe aujourd'hui affaiblie et qui doit se relancer. L'objectif, c'est d'avoir à la fin de la journée une feuille de route sur les sujets les plus importants à traiter dans les 6 prochains mois. Et c'est vers un autre sommet à Rome, en mars prochain, que seront renvoyées les grandes décisions. Parmi les sujets à aborder, il y a la défense européenne. La commission de Bruxelles propose de mettre en commun les ressources militaires de chaque pays dans un quartier général unique et de créer un fonds européen pour la recherche et l'innovation dans l'industrie de la défense. En arrivant tout à l'heure à Bratislava, François Hollande a fait remarquer que la France fait l'effort principal pour la défense européenne. Il ajoute « Elle ne peut pas être seule, elle ne veut pas être seule ». Et François Hollande insiste « L'Europe doit être capable de se défendre par elle-même ». De nouveaux étiquetages sur les plats cuisinés seront expérimentés pendant 10 semaines. 4 types d'étiquetages simplifiés donnant des informations nutritionnelles. 60 supermarchés participent à cette évaluation dans 4 régions. L'Île-de-France, les Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Normandie. RTL vous pose la question, faut-il rendre plus clair l'étiquetage nutritionnel des produits alimentaires? Vous pouvez répondre dès maintenant sur le site internet rtl.fr et puis vous pourrez en discuter dans RTL Midi avec Christelle Robière et Vincent Parisot en appelant le 3210. Des orages avec de fortes pluies sur le Languedoc. Le Gard est en vigilance orange et la vigilance en revanche a été levée pour l'Hérault. Alors c'est une masse d'air très instable qui remonte d'Espagne vers la Méditerranée et qui provoque ces nouveaux orages. Cet après-midi, ils se décaleront vers la vallée du Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. Attention au risque d'inondation, les cumuls de pluie peuvent dépasser localement les 100 mm en moins de 2 heures. Sur le reste de la France, le temps est aussi à la pluie. Une perturbation arrivée par l'ouest traverse le pays et les températures sont très rafraîchies, entre 17 et 22 degrés en général, jusqu'à 24-25 sur les bords de la Méditerranée. Les courses en nocturne à Vincennes, les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet. Il vous conseille de jouer le 12, le 14, le 17, le 18, le 13, le 15, le 8 et le 6. Et la dernière minute de Bernard, c'est le 17, Ulysse de Fontaine. Il est 11h et presque 4 minutes, vous êtes sur RTL. À la bonne heure, commence avec Stéphane Bern. Merci beaucoup Marie Guerrier, on vous retrouve naturellement à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Et nous allons entrer dans À la bonne heure. 11h-12h30, Stéphane Bern, À la bonne heure. Et dans À la bonne heure, vous savez qu'on n'invite que des gens que nous aimons. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'on l'aime encore plus. C'est Daniel Auteuil. Oh bah écoutez, c'est très gentil. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour tout le monde. Ah là là. Alors je vous présente d'abord tout le monde, je m'occuperai de votre cas après. Absolument. Alors avec nous, comme tous les vendredis, Marc Giraud, l'ami des animaux. Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous allez vous intéresser au meilleur ami de l'homme à l'occasion dimanche de la journée du cheval. Voilà, on va voir l'envers du décor des centres équestres. Ah oui, vous avez mis des chevaux sur vous. Oui, oui, oui, c'est assorti à la radio, ça marche bien. Les... Oui, c'est bien. C'est bien. Vivement la journée du cochon. la journée du cochon, vous aurez pu y venir tout nu.